Chapitre 8e. Le ministre des Affaires étrangères était étendu dans sa chaise avec un foulard de soie rouge sur le front et un pied empaqueté dans du coton étendu sur un support. « Je crois qu'il est l'heure de la friction, » dit la dame en agitant un flacon de verre blanc. « Puis-je vous mettre un peu de liniment ?»« Oh, cette peste d'orteil !» gémit le patient. « Sir William ne veut pas entendre parler de me voir remuer. » Je crois qu'il est l'homme le plus obstiné et le plus têtu que j'ai rencontré. Je lui ai dit qu'il s'est trompé sur sa vocation et que j'allais lui procurer un poste à Constantinople. Nous avons besoin d'une mule là-bas. Pauvre Sir William, dit en riant Mrs. Charles. Mais comment vous a-t-il mis en colère? Il est si entêté, si dogmatique. À quel sujet? Eh bien, il a imposé sa loi sur Ida. Il a décrété, paraît-il, qu'elle doit aller à Tanger. Il m'en a dit un mot avant de monter chez vous. Oh! Il vous en a parlé, n'est-ce pas ? Son regard impénétrable se tourna lentement vers elle. Le visage de la dame avait revêtu une expression d'évidente innocence, une candeur que la nature ne trouve que chez la femme qui veut donner le change. Il a examiné ses poumons, Charles. Il n'a pas dit grand-chose, mais son expression était très grave. Pour ne pas dire sinistre, interrompit le ministre. Non, non, Charles, il n'y a pas de quoi plaisanter. Il a dit qu'il lui fallait un changement d'air. Je suis sûr qu'il en pensait plus qu'il n'en a dit. Il a parlé de faiblesse et de crépitement et des effets de l'air d'Afrique. Puis il a parlé des localités sèches qui fortifient la santé et il déclara que Tanger était l'endroit qu'il fallait. Il dit que même peu de mois passés là-bas amèneraient un changement. Et ce fut tout? Oui, ce fut tout. Lord Charles haussa les épaules de l'air d'un homme qui n'est qu'à moitié convaincu. Mais naturellement, dit la dame avec tranquillité, si vous pensez qu'il vaut mieux qu'Ida n'y aille pas, elle n'ira pas. La seule chose, c'est que si son état empirait par la suite, nous nous sentirions mal à l'aise. Dans un état de faiblesse comme celui-là, un court espace de temps peut amener un changement. Sir William trouve évidemment la situation critique, mais il n'y a pas de raison pour qu'il cherche à vous influencer. Il y a un peu de responsabilité, cependant. Si vous prenez tout sur vous et m'en dégagez complètement, de manière que, par la suite, ma chère Clara, comme vous faites l'oiseau de mauvais augure. Oh, je n'en ai nulle envie, Charles. Mais vous vous rappelez ce qui est arrivé à la fille de Lord Bellamy? Elle avait juste l'âge d'Ida. C'est un autre cas où l'on ne tient pas compte de la vie de Sir William. Lord Charles grogna d'impatience. Je n'ai pas repoussé son avis, dit-il. Non, non, naturellement. Je connais trop votre bon sens et votre cœur, cher. Vous avez été très sage en envisageant la question sous toutes ses faces. C'est ce que nous pauvres femmes ne pouvons faire. Nous, c'est le sentiment contre la raison. Comme je vous l'ai souvent entendu dire, nous balançons d'un côté et de l'autre, mais vous, homme, vous êtes tenace et vous gagnez votre procès contre nous. Mais je suis enchanté que vous soyez décidé pour Tanger. Le suis-je? Mais, cher, vous avez dit que vous ne repoussiez pas l'avis du docteur William. Eh bien, Clara, en admettant qu'il aille à Tanger, vous m'accorderez qu'il est impossible que je l'accompagne. Absolument. Et pour vous? Tant que vous êtes malade, ma place est près de vous. Il y a votre sœur. Elle part pour la Floride. Alors, Lady Dumbarton, elle soigne son père, il ne peut en être question. Alors, à qui pouvons-nous nous adresser? Surtout au moment où la saison commence. Vous le voyez, Clara, le sort est contre Sir William. Sa femme appuya ses coudes sur le dossier du grand fauteuil rouge et passa ses doigts sur les boucles grisonnantes de l'homme d'État, se penchant en même temps jusqu'à ce que ses lèvres fussent près de son oreille. « Il y a Sir Arthur Sibthorpe, » dit-elle doucement.